Lorsque je suis dans les voies lactées... C'est pas les, c'est la. La. La. Do, ré, mi, la, la, la. Tu es là, la, la, la, la. Et plus rien ne m'arrivera. Tu es là, la, la, la, la. Lorsque je suis dans la voie lactée, je descends le midi pour t'observer déjeuner. Et je remonte la pente pour t'admirer au sommet de mon amour. Ouais, c'est beau, là, mais... C'est de Beluga? Non, c'est pas de Beluga. C'est de Rosanna? C'est pas de Rosanna. C'est de Petit Gars? C'est pas de Petit Gars. Pouvez-vous me le répéter? Pouvez-vous me le répéter? Je vous le répète. Lorsque je suis dans la Voie lactée, je descends le midi pour t'observer déjeuner et je remonte la pente pour t'admirer au sommet de mon amour. Oh, peux-tu dire encore amour? Amour. Oh, encore. Amour. Oh. Amour. C'est un texte de Rénal Gagné. Pas vrai, le poète! Le poète. Tout le monde se pose des questions, hein? C'est bon, c'est très... Moi, je te dis que c'est bon signe. Le jour où on s'en posera plus, Ticu Baudouin va réussir sa... Hein? Sa sauce de spaghetti sera al dente. La sauce peut pas être al dente. La pâte, si! Mais pas la sauce. Puisque tout le monde sait que ça se limite à des limites de farine et de farine moulue. Donc, ça devient malade. Oui, mais en plus d'être malade, ça devient compliqué, très compliqué. Résume ça, mon petit numéro 1, à la pâte alimentaire, al dente. La sauce à spaghetti, il faut qu'elle soit excellente. Excellente, oui, dans le sens de merveilleuse. Merveilleuse, au goût explosif. Un goût explosif, un goût explosif. Fais tes liaisons, fais tes conjugaisons. Le verbal concurrent avec le verbe avoir. Ah ouais, on en veut du verbe avoir. Hey, s'il vous plaît, donnez-nous du verbe avoir. On n'a plus le pouvoir, on veut de l'avoir. Puis on veut plus le voir, lui. C'est qui? Ben c'est l'autre, là, le frère à Ticu. Ah, oh, pas Ticu Baudouin, Ticu Baudouin lui-même en personne. Ben, pas en personne, mais en presque personne. En presque personne. Ouais, ça, c'est un spectre. Quand t'es une presque personne, t'es un spectre. Sinon, t'es un fantôme. Un fantôme, là, faut fuir. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, si tu entends des chaînes, sauve-toi. Ça veut dire que je me suis libéré de ma cage. C'est ma cage. Ouais, j'ai des problèmes au cœur. Faut que je m'ouvre la cage thoracique. Ah oui, j'ai le cœur enchaîné par toi, ma belle chérie. Hey, c'est beau, ça. On se dirait qu'on se croirait le 14 février. Laisse faire ça. Ça, c'est de l'argent. 14 février, c'est de l'argent. L'amour, c'est en tout temps, sauf le 14. Quoi qu'il doit se faire beaucoup d'enfants le 14 février, hein? Ouais, mais on n'est pas le 14 février. OK, on est. Alors, pour vivre ensemble, il faut savoir diluer. Pas dire le contraire, dans une vie de couple, t'as raison. Je sais que moi, j'ai raison. Totalement raison. Ma femme a totalement... elle déraisonne. Pour ça que, tranquillement, j'ai dit, moi, elle lâche la flûte, va-t'en au tambour. C'est aussi profond que le tambour. Là. Elle dit, hey, toi, t'es mon macho. Je suis pas macho, moi. J'ai jamais réussi mes cours de karaté. C'est pas un cours de karaté, de macho. C'est un homme qui diminue la femme. Diminuer la femme? Hey! Je dilue même pas ma sauce à spaghetti, penses-tu que moi diluer ma femme? Je l'aime comme ça, moi, bien portante, heureuse et ricaneuse. Quand elle ricane plus, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Avant-hier, j'étais au supermarché devant la saucisse. À parler avec le boucher, là. Alors, moi, la saucisse, non, j'ai pas trop pisté, j'ai des problèmes d'estomac. Je lui raconte pas ta vie à ce gars-là. Elle dit, c'est pas un gars, c'est un boucher. Comment ça, c'est pas un gars? C'est un homme, là? Ben, c'est pas un homme, c'est un boucher. Là, tu parles au titre, là. À un individu qui, ce soir, porte un titre. Mais en dehors de ce titre-là, là, cette chemise blanche-là remplie de sang, là. C'est pas un... Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un fantôme, ça, c'est un homme. Tu parles de saucisse à un homme. T'es-tu jaloux? Oh, moi, jaloux, pff. Va-t'en avec, tu reviendras si tu veux. Si t'es trop heureuse, là, je te... Va, vagabonde, vagabonde, va errer. Ben oui, toi, tu vas aller en profiter. Ben là, si tu t'en vas, penses-tu que je vais t'attendre, moi, là? Ben, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ben, c'est ça. Le pire, c'est pas maintenant. Ce sera jamais maintenant. Le pire, c'est à venir. Avec les années, on dilue plus, là. Il reste plus d'eau, là. Il reste plus de gouttelettes, là. On tarde. On se la boucle. Là, on ronge son frein. Puis là, quand il reste plus de frein, là, ben on part. Puis on dit, arrête-toi. Ben non, j'ai plus de frein. Je l'ai rongé, mon frein. Là, on s'en va partout. Partout et partout. On a bien du plaisir. On s'est dit, hey, pendant tout ce temps-là, je suis avec. Je m'ennuie. Au début, c'était le plaisant. Là. Bonjour, comment ça va? Mon bébé, pit, pit, pit, pit. 5 ans après, OK, 10 ans après, ouais, OK. 15 ans après, oh, je sais comment ça va. OK, 20 ans après, on va attendre à demain, OK. Là, on met tout le temps à demain, à demain, à demain. Puis là, à un moment donné, hein, ma petite femme rencontre un spécialiste de la saucisse. Une espèce de grand flambeau en blanc avec des taches rouges. Au moins, c'est un peintre, un artiste, un gars qui crache ses émotions, là. Mais non! C'est un boucher qui tamponne la saucisse. Je lui dis, ma petite chérie, va-t'en pas avec ces gars-là. Ils mangent juste de la saucisse. Moi, je t'aime pour tout. Pour le meilleur et pour le pire. Dans le dur, dans le mou, dans le fort. Dans le liquide, dans le solide. Je t'aime partout, moi, là. Dans toutes les situations, là. Dans toutes les sphères de ton corps, de ton aide, de ta compréhension de la vie, je t'aime! Hey, c'est beau, ça, là. On aime-tu aussi fort que ça? Hey, moi, il est tellement fort, là, regarde ça. Hey, écoute. Qu'est-ce que tu fais? C'est fort, là. C'est pas fort, tu forces. Je force, mon amour. Il va mourir d'une crise cardiaque. C'est un malade. Mais je crois sincèrement qu'on doit tout libérer pour laisser aller notre folie. Notre folie amoureuse auprès de notre douce. Alors, on dilue pas. Faut pas. Non, faut pas laisser sans goût une vie à deux quand elle est piquante, vivifiante et rafraîchissante. Hey, t'es un... Oui, je suis un. Et si je ne suis pas un, je serai deux. Alors, oui, 6 sous. Pas 6 sous, on peut pas commencer. C'est t'es-tu malade? C'est pas mois d'août, là, c'est septembre. 6 septembre, 6 sous. On peut pas faire de gag sur l'argent, là. Ça préoccupe notre peuple, ça remplace notre religion populaire. Notre religion populaire? Oui! Qui est? Populaire! Non, oui, mais... Quelle est cette religion? Quelle est cette religion? Quelle est cette région? Oh, région, la région! La région humide des tropiques! C'est dans la côte d'Harry Miller. Est-elle la gamine que tu voulais trouver un jour dans ta vie? On peut rire de 6 sous. On peut pas rire du 6 septembre. Encore moins du 11 septembre. 11 septembre. T'es-tu malade en septembre, mon Dieu? Comme qu'il y a des dates qu'on n'a pas le droit de dire, là. Exemple! 11 septembre. Amen. C'est septembre. Ça passe le vendredi 6 septembre. On commence, on essaie-tu? On va jauger. Jauger, on peut-tu jauger? Mais faites bleu, mais ne soyez pas trop sinistre. Parce qu'il y a des avions qui passent partout dans le monde et sur nos terres. Pas des avions, c'est des mouches à marde. Oh, les mouches à marde. Le 11 septembre! Amen. Aujourd'hui, le vendredi 6 septembre 2013, l'errance, les errances canadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du musicien et chanteur Renaud Bernal. Renaud Bernal, ne pas confondre avec Rénal Gagné. Il n'y a pas de confond, on peut confond. Confiez-nous de votre intelligence. Oh non, on ne veut pas confier notre intelligence à n'importe qui. On n'a même pas. On n'a pas payé notre dose d'intelligence ce soir, là. Pour faire une bonne émission. Penses-tu qu'on va vous l'arbitre, là? Sauf si vous faites partie du FBI. Non, moi, le FBI. Bon, alors non, on remet pas rien à rien. Non, on ne regrette rien. Ni le pire, ni le mal, moi l'animal. Je fais du régal. Du régal, j'en fais mon régal. Renaud Bernal se raconte ainsi. Je le cite. Attiré par la musique dès l'enfance, j'ai commencé à 13 ans à jouer sur une vieille guitare acoustique Hofner, je connais pas ça. Qui, ça doit être une guitare. Ben, moi, c'est pas du fromage Hofner, là, ça me dit rien. Je suis un maître fromager. Ouais, vous sentez. Je sens le fromage, j'en suis heureux, mon champion. Le jour, excuse-moi. On continue, on parlait du fromage. Un jour où tu seras aussi connaisseur du fromage que moi, je connais le fromage. Tu deviendras une souris et tu pourras rentrer dans les trous de nos parmesans. Parmesan. Parmesan pas, je l'ai perdu. 13 ans à jouer. Pas 13 ans. Il n'y a pas 13 ans à jouer. Ça, c'est comme nos journalistes. Ils comprennent rien, puis ils essayent de réécrire. Mon magnéto n'est pas parti, moi. J'ai été dans une soirée pour le lancement de l'album de Renaud Bernal. Quand tu t'accuses, eh bien, on nous servait du rouge, hein? Du rouge, et ensuite, on a enchaîné avec le rose, parce que je crois qu'ils ont manqué de rouge. Je ne sais pas pourquoi. Il faut pas inviter trop de journalistes, puisqu'on sait qu'ils sont picoles, en la gueule, ça boit dans le barnac. Hein? Ça stimule le zouiti. Le zouiti, la gueule d'ose, la belle, la gueule de belle, la gaga. Garde la Brigitte Bardot, la gueule, moi, la gueule, la belle. Alors donc, ainsi. Attiré par la musique dès l'enfance, j'ai commencé à 13 ans. Ça, c'est pas moi qui parle, c'est Renaud Bernal. À jouer sur une vieille guitare acoustique Hofner, rien à voir avec le fromage, qui appartenait, ça n'existe pas le fromage Hofner, qui appartenait à ma mère. Je l'ai toujours et me demande souvent, en la regardant, comment elle a pu sonner. Les premières influences, non, là, je m'arrête, c'est de la censure. Les premières influences musicales sont anglo-saxonnes. Après un début punk, rang, ring, rang, run around, j'ai deux pouces, j'ai trois pouces. J'ai quatre pou, pou, pou, pou, pou. Le rockabilly fait son entrée, suivi par le blues, la variété et le jazz. Un saxophone a complété le trio énergique de cet album extraordinaire que nous allons entendre. Je viens de sauter quelques lignes. Et puis en 2000, le groupe est aujourd'hui dissous. On n'a rien compris. Je le sais, c'est l'imprimante qui imprimait plus. J'ai dit à mon gouverneur général, gouverneur, gouverner. Donc, on apprend. Après un début punk rock, le rockabilly fait son entrée, suivi par le blues, la variété et le jazz qui ont trouvé leur place durant ma période intermittente du spectacle. Cependant, ma sensibilité est plutôt issue du rock avec pour phare The Clash, The Stray Cats, Eric Clapton, Lil Lovett, Barnack Rainbow Ladies, Barnack Hill, Barnack Tabarnack Anon Ladies, Jet Barnack, Barnack, en tout cas. J'ai le groupe là, le groupe Barnack. Barnack Kid Ladies. Je connais, j'aime ça moi. Quand ils reprennent la chanson des bouffons là, de Pierre Falardeau. J'ai très vite pu m'intriguer. m'intégrer à des rythmiques. C'était une période vraiment riche musicalement qui m'a permis de pénétrer différents univers allant de la boum à la lamentation, non, à l'animation liturgique, en passant par les bals-concerts et les cafés-concerts. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste lumineux et rempli de passion. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Oui, faut-il s'arrêter ici la musique et laisser la musique nous enchanter? Oui, alors allons-y! Merci! Sont les garçons de Paris, c'est ils sont pimpants, ils sont pimpants. Sont les garçons de Paris, c'est ils sont pimpants, ils sont pimpants. Quand ils s'en vont ouvrez les filles, mignonne Parisette, mangez par là, pis voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Quand ils s'en vont, ouvrez les filles, mignonne Parisette, mangez par là. Quand ils s'en vont, ouvrez les filles, mignonne Parisette, mangez par là. Ils sont assis au coin du feu, Henri Pignan, pis voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Ils sont assis au coin du feu, Henri Pignan, Henri Pignan. Ils sont assis au coin du feu, Henri Pignan, Henri Pignan. Ils regardent bouillir les pots, y'a rien dedans, y'a rien dedans. Pis voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Ils regardent bouillir les pots, y'a rien dedans, y'a rien dedans. Ils regardent bouillir les pots, y'a rien dedans, y'a rien dedans. Ils ont souvent frette aux pieds, fringalodant, pis voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Ils ont souvent frette aux pieds, fringalodant. Ils ont souvent frette aux pieds, fringalodant. Ils ont aussi de menton long, la mort vieux pan, pis voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Et voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en je ne sais pourquoi. Derrière chez nous y a un étang, vous l'aurez pas yé yé man. Derrière chez nous y a un étang, vous l'aurez pas yé yé man. Vos beaux canards s'en vont baignant tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur fait sa voix en désespoir, vous m'entendez guère. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yé yé man. Vous l'aurez pas yé yé man. Vos beaux canards s'en vont baignant, vous l'aurez pas yé yé man. Vos beaux canards s'en vont baignant, vous l'aurez pas yé yé man. Le fils du roi s'en va chassant tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur fait sa voix en désespoir, vous m'entendez guère. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yé yé man. Vous l'aurez pas yé yé man. Le fils du roi s'en va chassant, vous l'aurez pas yé yé man. Le fils du roi s'en va chassant, vous l'aurez pas yé yé man. Avec son beau fusil pis d'argent tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir. Vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère. Vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Avec son beau fusil d'argent, vous l'aurez pas, yéyéman. Avec son beau fusil d'argent, vous l'aurez pas, yéyéman. Pis a le noir, tu as le blanc tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir. Vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Pis a le noir, tu as le blanc, vous l'aurez pas, yéyéman. Pis a le noir, tu as le blanc, vous l'aurez pas, yéyéman. Oh, fils du roi, tu es méchant, tout le long de la rivière. Oh, yes, very well, le monsieur, faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Oh, fils du roi, tu es méchant, vous l'aurez pas, yéyéman. Oh, fils du roi, tu es méchant, vous l'aurez pas, yéyéman. D'avoir tué mon canard blanc tout le long de la rivière. Oh, yes, very well, le monsieur, faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. D'avoir tué mon canard blanc, vous l'aurez pas, yéyéman. D'avoir tué mon canard blanc, vous l'aurez pas, yéyéman. Par-dessous l'aile, il perd son sang tout le long de la rivière. Oh, yes, very well, le monsieur, faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Par-dessous l'aile, il perd son sang. Vous l'aurez pas, yéyéman. Par-dessous l'aile, il perd son sang. Vous l'aurez pas, yéyéman. Et paquet de plumes s'en va au vent tout le long de la rivière. Oh, yes, very well, le monsieur, faisait noir en désespoir. Vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère. Vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Et paquet de plumes s'en va au vent. Vous l'aurez pas, yéyéman. Et paquet de plumes s'en va au vent. Vous l'aurez pas, yéyéman. Par ses yeux sortent des diamants tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Par ses yeux sortent des diamants, vous l'aurez pas, yéyéman. Par ses yeux sortent des diamants, vous l'aurez pas, yéyéman. Et par le bec, l'or et l'argent tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Et par le bec, l'or et l'argent, vous l'aurez pas, yéyéman. Et par le bec, l'or et l'argent, vous l'aurez pas, yéyéman. En pour des plumes qui vont au vent tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. En pour des plumes qui vont au vent, vous l'aurez pas, yéyéman. En pour des plumes qui vont au vent, vous l'aurez pas, yéyéman. Trois dames s'en vont lire à Maussan tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Trois dames s'en vont lire à Maussan, vous l'aurez pas, yéyéman. Trois dames s'en vont lire à Maussan, vous l'aurez pas, yéyéman. C'est pour en faire des lits de camp tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. C'est pour en faire des lits de camp, vous l'aurez pas, yéyéman. C'est pour en faire des lits de camp, vous l'aurez pas, yéyéman. Pour faire dormir tous les passants tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur faisait noir en désespoir, vous m'attendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Vous l'aurez pas, yéyéman. Si tu étais un aliment. Ah ça, par contre, je me suis déjà posé la question. Et j'ai travaillé sur la prononciation. Au début, lorsque je faisais mes émissions ici, il y a 4-5 ans, je disais aliment. Ah oui, ben alors là... On... Mais l'aliment, là, on appelle ça aliment, animé, aliment, en tout cas. Là, c'est aliment. Un animal, Non, un aliment. Un aliment. Aliment. Ah oui, ah, tu vois, je sais pas compris. Un aliment pour manger. Un aliment. Il y a trop de trucs qui sont bons. Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Ouais, y a tellement de choses qui sont bonnes. Oh, j'adore bouffer. Donc, ok, alors t'es un épicurien. Ah ouais, ouais, tu aimes manger, tu aimes boire, tu aimes la musique, tu aimes le cinéma, tu aimes la littérature. Oui, oui, oui. Tu t'emmerdes pas. C'est très difficile de m'emmerder. Mais surtout qu'on a juste une vie à vivre, hein. Oui, puis s'emmerder, il faut avoir du temps pour s'emmerder, j'y arrive pas. Je suis toujours en train de courir, mais deux jours en plus dans la semaine, c'est génial. Donc, J'en ai deux, j'ai une fille qui a 16 ans et un gamin qui a 14 ans. Ah, deux ados, hein. Oh, génial. Oh, c'est ça la soirée. Okay. C'est ça. Et bon, je me dis qu'ils feront pas pire que moi, mais quand même. Ils sont, ouais. Non, un aliment, qu'est-ce que je pourrais être comme aliment? Bah, tu veux la gourmandise, une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Pour toi et tes enfants, qui n'aiment pas la mousse au chocolat? Oui, oui, oui. Mais en même temps, ça rejoint le côté le oui, la langue. Ah oui, oui, oui, oui, ok. Oh, un peu plus orienté. Gagné schizophrénique. Mais contrôlé, c'est la radio qui est. Oui, voilà, c'est l'émission surtout. C'est l'émission, c'est l'émission qui est. Si tu étais une saison. Une saison? Ouais, je les aime bien toutes. Le printemps est sympa de par le renouveau. Tu parles dans ton quartier, dans ton coin, dans ton... Même partout, partout, okay. Partout, parce que ma soeur qui vit au Colorado, quelle que soit la saison, c'est vachement beau. Mm. Tu passes moins 30 ou 30, il y a toujours quelque chose qui est beau, quoi. Tu peux laisser la veste en dire à la maison? Non, je les aime toutes. Le printemps est très très beau. L'automne a son charme, des couleurs qui changent. On a vachement de belles couleurs en automne, alors que tout tombe et tout se met en sommeil. D'un autre côté, quand. Je prends les cadres, j'ai du mal. Oui, alors, Vivaldi, les 4 saisons, comme Vivaldi, ouais. Et l'hiver, c'est vachement joli aussi, oui. Parce qu'un paysage, on est figé, ouais, on a un côté intemporaire qui est génial. Bon, c'est clair, de toute façon, t'es coincé dans la neige, tu peux pas sortir. on a la main sur la poignée de porte, elle est tellement froide qu'on fige pour deux mois. Donc, Et si t'as un coup de blizzard, c'est bon. C'est ça, exact. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Ah, une main. Ok. Pour gratter ta guitare. Pour, entre autres, ouais. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée? En fait, c'est là que je peux pas faire le tour. Juste après le réveil. Pardon? Juste après le réveil. Ok, c'est-à-dire que tu vas essayer, tu peux te réveiller à midi. Oui, si tu veux. Le moment où je me couche, généralement je m'écroule parce que je suis mort de fatigue. Okay. On a vachement bossé, on a fait plein de trucs. Ouais. La journée, on est terminé. Dedans, elle est vachement active. Et je pense que juste après le réveil, par exemple après le premier ou deuxième café, c'est là où tout se remet en place. Et j'aime bien. Okay. Et tu prends ton temps. Le réveil est déjà terminé. Et l'action commence. L'action, voilà. Tu reprends ce que t'as vécu la veille, okay. Et tu l'associes à ce que tu vas faire aujourd'hui ou éventuellement demain. C'est une continuation. Pas mal. Ouais, ouais, okay. Ouais. Si, alors ça peut être n'importe quelle heure. Ah bah oui, ouais, bah mais, oui. Mais ouais. Normalement, c'est quoi? C'est midi, 11h. Alors, avec les enfants. Avec les enfants, avec la période d'école, c'était 6h30. Mais okay. Parfois, je me recouchais. Et puis là, en ce moment, c'est les vacances, donc c'est, ça dépend. Quoi. Ça dépend si j'ai joué la veille. Je peux me lever à 9h comme à 3h d'après-midi. Est-ce que tes enfants sont fans de ce que tu fais? Bah, oui, à force, oui. À force, okay. Oui. Depuis... C'est pas leur style Du techno Non, ils sont assez rock. Ils sont assez rock. Dernier concert qu'on a vu ensemble, c'était tous les trois, c'était Simple Plan. Ouais. Groupe canadien. Ouais. Bah, c'est vachement bien, c'était sympa. En anglais, malheureusement. Ouais, bah, quand ils font ils ont fait une chanson en français, c'est une horreur. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ouais. Et on les a vus plusieurs fois. Dernier groupe qu'on a vu avec mon fils, c'était Boys Avenue. C'était plus. Mais sont pourris. Vraiment, sont pourris. Okay. Alors, c'était au Bataclan, c'était dommage. Est-ce que les enfants ont aimé? Oui, ils étaient contents. Il était content. En plus, il était avec sa copine, donc il était content. Ah ouais, mais ouais. Ils aiment bien. Mais toi, tu suis à chaque fois qu'ils vont voir un spectacle, tu veux être là avec eux? Bah, si. Ou alors, pourquoi, pour superviser ou pour apprécier avec eux? Ben, bon, avant ils étaient petits, mais on a été voir plein de monde. On a été voir, ils ont pu voir Alain Souchon quand ils avaient 3 ans. Ouais, je les ai emmenés. Ouais, dès qu'il y a un concert, je les embarque. C'est quoi son spectacle acoustique? Génial. Il est sorti en DVD. Il était fabuleux ce spectacle. Je l'ai vu au Bataclan, c'était fabuleux. Alors mes gamins étaient un peu petits, si tu veux. Ah, oui. Mais le spectacle était géant. J'ai rencontré Albin de la Simone qui a travaillé sur. Je l'ai rencontré hier. Ah, chouette. Hein. Ah, ouais, c'est un gars. Là, il travaille sur son nouvel album qui sortira au mois de février. Oh, c'est super. Là, il est en plein mixage. Il a eu la gentillesse de prendre 1h30 pour discuter avec moi en plein milieu de Paris. Ouais, c'est génial. Puis, ah oui, Albin de la Simone, que j'ai connu à Québec. Ah oui, en plus. Oh, ouais, ouais, super. Ouais, ben, Albin de la Simone est un ami de Ariane Moffat, je sais pas si tu connais. Oui, d'accord. Ami de Pierre Lapointe. Pierre Lapointe, ça se devrait découvrir. Pierre Lapointe sur Internet, là, tu vas voir. D'accord, avec plaisir. OK. Alors, si tu étais un autre individu. Un autre individu? Oui. Waouh. Alors, comme je connais déjà tous mes défauts, je me dis, putain, ouais, s'il en a autant que moi, ou de saloperie. Je sais pas. Okay. Je sais pas. Je me vois pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Hein. Non, la tienne te satisfait. Ouais, elle a ses zones d'ombre, ses zones heureuses et ses zones tristes, mais dans l'ensemble, c'est la mienne, quoi. Et on finit presque avec cette question-là. Je vais la. Oui, à choisir, parce que tu fais le même chemin. Empire. Empire, ok. Still Ramones. Ah, je t'ai vu en concert, les Ramones. Ah, oui, oui, oui. Le gars peut rester figé 3 heures là, puis je sais pas pourquoi. Tu pars, t'es plus là, puis le gars est encore là. Mais ouais, non, je crois que je recommencerai. Peut-être en évitant de faire le minimum de peine aux gens. Okay. Mais dans les grandes lignes, la même chose, c'est-à-dire la musique. As-tu fait beaucoup de peine autour de toi? J'en ai fait. Ok. J'en ai fait. Mais par amour. Bah, c'est toujours les histoires d'amour qui font la. Oui, mais ça fait des belles chansons. Comme disait Rita Mitsuko, les amours finissent mal en général. Hein. Oui, c'est plus qu'en. Oui, mon colonel. Ah non, mais en général. C'est vrai, c'est clair. Okay. Mais ouais, non, je crois que je referai les mêmes choses. C'est vraiment la musique qui me porte en essayant de peut-être moins perdre de temps avec certaines personnes. Ouais. Mais c'est, ouais, c'est la musique. Et là, une question qui n'est même pas prévue, mais je sais qu'il crève le cœur. Vas-y, parce vas-y. Que c'est un peu. C'est un peu comme tes enfants et tu peux pas te dire, ah ben moi je peux faire celui-là, mais si je te demandais d'extraire du disque que tu vas me remettre 3 chansons que tu voudrais promouvoir. J'adore la dernière. Ok. Par annoter. Okay. Celle-ci, elle m'éclate. Okay. Parce que c'est la dernière, c'est comme le nouveau. Non, film. non, parce que elle me fait. Elle est excellente. Ok, bah, écoute, c'est parce qu'elle est excellente. Voilà, si je te la chante, on la rechante à tous. Elle a une ambiance qui est délirante. Okay. Elle est très insolite comme chanson, tout en étant vachement construite musicalement. Le texte est avec. C'est toi qui as écrit la musique. Image. Oui. Ok. Il y a plein de belles musiques et on a mélangé guitare flamenco et guitare électrique. Et c'est une chanson qui a commencé à quel moment? Elle est assez. Elle a peut-être 3 mois. Ok, 3, alors 3, tu vas travailler pendant 3 mois. Ouais, ouais, de toute façon, je suis dessus tout le temps. Mais le premier jet t'a plu. Le premier jet m'a plu. Et en fait, je suis parti sur quelque chose de très très lent. Et sur le refrain, je double le tempo. Okay. Donc on a un truc qui est en. Tu ne verras pas le jour demain. Jette la nuit au coin de l'oreille. Voilà. Et ainsi de suite. Et puis après, et puis on fait intervenir un chat qui est bilingue. Tu parles italien. Enfin, c'est un truc de dingue. À écouter. Après, la deuxième, Hambourg, qui est une vraie réussite. Réussite, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais qui est une belle chanson. Okay. Une belle chanson. Et Faute de mieux, qui est la chanson qui a fait vraiment lancer le truc. As-tu déjà visité Hambourg ou c'est ta parolière? As-tu déjà visité Hambourg? Non, c'est. Okay. Non. C'est ta parolière qui. Elle n'y a pas été non plus, okay, mais elle a eu envie dans sa tête en Hambourg. Voilà, et on lui a fait une belle chanson. On a envoyé la chanson au syndicat d'initiative d'Hambourg. Okay. Ce qui serait sympa, c'est d'aller la jouer là-bas. Oui, que ça devienne presque un hymne national comme Nougaro et Toulouse. Hein. Voilà. mais ce qui est un mais peu... Bon. Non, mais soit vivant d'espérance. Mais c'est vrai que... Non, ces 3 chansons-là sont belles. Il y en reste 3. Là, tu m'en as dit 2. C'est un espoir. Je te dis Hambourg, oui. Par annoté. Oui. Avec donc la première, Hambourg et Faute de mieux. Je me suis engagé pour l'amour d'une fille. Je me suis engagé pour l'amour d'une fille. Les gens qui m'ont logé m'ont bien mal enseigné. Ils m'ont dit m'en aller sans avoir mon congé. Dans mon chemin faisant, rencontre mon capitaine. Dans mon chemin faisant, rencontre mon capitaine. Mon capitaine m'a dit, où vas-tu mon ami, là-bas dans ces ballons. joindre mon bataillon. Là-bas dans ces vallons, on s'engage une bataille. Là-bas dans ces vallons, on s'engage une bataille. J'ai mis mon sac à terre, j'ai pris mon sabre en main, je me suis battu là. Comme un vaillant soldat, du premier coup tirant, tu as mon capitaine. Du premier coup tirant, tu as mon capitaine. Mon capitaine est mort et moi je vis encore peut-être avant 3 jours. Ce sera bien mon tour. Celui qui me tuera sera mon camarade. Celui qui me tuera sera mon camarade. Tu m'y bandes les yeux avec un mouchoir bleu, tu m'y feras mourir. Sans m'y faire trop languir. Soldat de mon pays, ne dites pas à ma mère. Soldat de mon pays, ne dites pas à ma mère. Oh, dites-lui, je me suis fiancé à la plus belle fille qui il y a dans le quartier. Oh, dites-lui plutôt, je me suis engagé sur un navire anglais. Qu'elle m'y reverra jamais. Jack is the boat, Judy is the rug, we both put down a balance on the hearts to fight. I know, I don't know why. Oh, I don't know why. My heart will die. Oh yeah, my heart will die. Oh yeah, my heart will die. Oh yeah, my heart will die. Oh yeah. Jack is the boat, same as the past. Jack is the boat, Judy is the rug. We both put down a balance on the hearts to fight. Château Guibault, bonjour. Et comment? Château Guibault, bonjour. Château Guibault. Oui, château, un château. Tu connais ça, les châteaux? Les châteaux de cartes. Moi, j'avais des châteaux de cartes. Eh, monsieur, c'est, tu fais ton Paul Pichette? Non, je fais mon pichet. Non, je vais prendre deux pichets de pichet. Oh, mon Dieu. Qui dit oui, qui dit non. Trois pichets de pichet, pichet. Chez nous, on aime ça du piché. Du vieux piché, là. C'est le nom de la joie au mal. Félix. Monsieur Grenier, est-ce bien vous? C'est lui dans moi. Ben, dans moi, c'est lui. Hey, là, pouvez-vous être plus clair? Parce qu'il est quand même, là, depuis quelques heures, il fait noir. OK? Il y a crainte. Beaucoup de personnes ont peur, là, actuellement. La noirceur amène les citoyens, moins que moyens, à une crainte excessive de ce qui est obscur. C'est pas pour rien. Et moi, si je prends le chapeau, non, le micro chapeauté. Non, c'est capoté, c'est un petit capot qu'on a mis sur... parce que tu postillonnes, OK? Alors, pour parler de ce, pas de ce micro, mais le noir, c'est pas pour rien qu'on appela à l'époque du cinéma des premiers temps. Là, je dis pas n'importe quoi, là. Allez voir, informez-vous. Cinéma des premiers temps. Il y a des gens qui sortaient en masse, là. Pas un par un pour comme faire aller faire son petit pipi, là. Non. Un amas d'individus sortait, tentait de trouver la porte, puis là, ça bloquait, hein. C'est bien normal. Moi, quand je mets mon pot de cornichon, trou vers le bas, toutes les cornichons veulent sortir, fait qu'il n'y a rien qui sort de là, il y a juste le jus. Entendez-vous ça, madame mère? Ah, moi, le jus, je n'entends pas, ça coule de source. OK, madame. Donc, dans les salles obscures, où le cinéma des premiers temps était projeté, à travers deux, trois danseuses, parce que c'était dans les bazars, dans des fêtes foraines. Oh, c'est vrai, ça? Ben voyons donc, toi, dis-moi pas ça, c'est vrai. Ce n'est que de la vérité pure et dure. Ah, donc, c'est dur, ça, oui. Ça, c'est du micro en stainless. Laisse-toi tranquille. Ben oui, c'est du stainless qui aimerait très bien vivre sa vie tranquillement. Ça veut dire capter des sons un peu bizarres comme cette émission, mais aussi vivre sa vie de micro. De microbiotique. Deux le soir, deux la nuit, deux le matin. OK. Et puis, donc, les salles obscures, les gens voyaient des images en mouvement. C'était nouveau pour eux. Hey, aujourd'hui, là, tu vois des films tridimensionnels, les bancs vides, puis là, on t'amène presque un point sur la gueule quand tu regardes un film d'action. Ben, oui, on dirait que j'ai reçu. Donc! Là, ils sortent les ambulances, hein, le citoyen ne peut plus marcher. Il est nakate parce qu'il a voulu entrer dans le film. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est pas l'histoire. Moi, je ne veux pas savoir d'histoire. Moi, j'ai de l'action, j'ai oublié. Que là, il y a des grands séniles là, de pitchers là, qui ont dit, ils se sont dit, qui n'ont pas dit, qui se sont dit. Je parle mon franchien, moi, là, je suis comme un Québécois moyen. Ils se sont dit, hey, attention, là. Il y a des neurones qui ne fonctionnent pas à fond pour certains individus. C'est ceux-là qui sont payants. C'est pas les plus brillants qui sont payants, c'est les plus cons. On va donner des coups. C'est-à-dire que Chuck Norris, Steven Spielberg, son réalisateur. Comment? Steven Spielberg, son réalisateur. Je comprends pas. Spielberg, les dents de la mer. Rencontre du troisième type. Toute la merde, le mort. Ben voilà, il va être le réalisateur du film où Chuck Norris sera une des vedettes avec Sylvester Stallone et Bruce Willis. Oh oui, donc Bruce Willis, puis Sylvester Bruce Willis. Arnold Schwarzenegger sera là aussi. Et là, les spectateurs, les cons, on va les placer au premier rang, parce que c'est eux qui vont recevoir les coups. Les gens en arrière vont avoir le sang de ces connards. Puis là, on va mettre des bras robotisés qui frapperont l'individu qui voulait être au premier rang. Moi, j'aime ça, les films d'action. Tu vas en avoir de l'action. Tranquille. OK, prenez place au premier rang, monsieur. J'ai payé, moi. Je m'ai acheté. Ah oui, ça, c'est bon, ça. Il y a son français. M'a acheté, agent. Pourriez-vous-tu mettre du maïs soufflé dans ma ballonne? Hein, m'en prendre de la liqueur aussi, une grosse liqueur, une boisson baseuse. Basez-moi ça sur le prix, 53$, je dirais. Un gros boisson gazeuse, un gros OK. Puis tous mes chums qui sont là, j'ai des chums, regarde, c'est tous mes chums, ça, là. Il y a des calottes à l'envers. Eux vont me suivre. Parce qu'ils savent juste ça, là. Je dis, ah ouais, viens, c'est moi le plus brillant, moi, là. Hey, je me suis rendu au cégep. Au cégep. à Québec. Non, je comprends, je suis même pas capable de le dire. J'ai pas passé. Alors, on va se placer là. Premier rang. On m'a dit que c'était expérimental. Monsieur, c'est très expérimental. Vous êtes même mentalement prêt. Hey, merci! On n'a même pas pratiqué! Pas besoin de pratiquer. Premier rang. OK, placez vos ceintures. Et le film commence dans 2 minutes. Oh mon Dieu! Quand la lumière va baisser... L'action va commencer. Pourquoi? Parce que nous autres, on aime ça, les films d'action. Oui, OK, vous allez l'avoir, l'action. Là, bien sûr, le noir total. Nos unicellulaires, premier rang. Et là, Chuck Norris arrive. Je suis Chuck Norris! Ben oui, on n'a pas eu de budget pour le doublage, donc ça nous voit comme ça, le nasillard. C'était... Est-ce qu'on peut le nommer ou il va nous amener en cours? Ah, oh, il nous amènera en cours! C'est Guy... qui a fait la voix. Oh, monsieur Guy! Guy... Lepage qui a fait la voix. OK. Et puis le premier rang... Pau, pif, pouf, pif! Le monde... Ça saignait, le monde en arrière. Les filles, ça pleurait. Oh, il y avait de l'action dans la salle. Puis là, les idiots, au premier rang, montent sur scène, brisent l'écran. Parce qu'ils s'imaginaient qu'ils les attaquaient. C'était en 3D. Ben, donc, ça va bien. Excusez-moi. C'était en 3, je me suis emporté. Je m'emporte comme j'aime m'emporter. On emprisonne pas les... Mais là, bang, bang, bang, les comédiens... Merci. Oh, c'est du rap. Rap and beat, babimboo. Et donc, les zéros pointés vers l'infini montent sur scène, frappent l'écran. Comme on dit dans le milieu intellectuel, la surface incranique. Oh, oh! Dans le très sérieux cahier du sniffa. Cahier du sniffa. Non, c'est cahier du cinéma. Sniff. Ah, les gars, ce cahier-là, le celui-là, OK. Celui qui nous a dit, qui nous disa. Non, c'est qui nous, nous disa, ça n'existe pas. Tu me feras pas apprendre ma langue, toi, là? Non, mais tourne-la dans ta bouche. Mais non, c'est du vinaigré. Oh mon Dieu, on aime ça, le vinaigre. Surtout quand ça tourne. Ça tourne comme du poulet au vinaigre. Oh, ça me fait penser. Ne pense pas trop, ça me fait mal. Serge, avant de s'appeler Bianca, mais les confitures de Canberge et les compotes d'Atoka sont synonymes dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, elle s'appelait Serge. Tu l'as dit, on l'a dit, et de midi à midi, elle s'appelait Serge. Tu l'as dit, on l'a dit, et de midi à midi, elle s'appelait ça. faut demi-heure. Ok, il faut demi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? L'intensité du... le texte est très simple, dans le sens où c'est tu ne dis rien, dis-le plus fort. Mais il y a une intensité qui en est ressortie de cette chanson avec une guitare toute douce. C'est une chanson de la fin, ça sent la fin. Hein. C'est une chanson Je sais pas, et puis avec plein d'images qui sont belles. Il y a un vrai don dans cette chanson. Ok. Donc, par le texte, par la musique, et je me régale. Alain Bachung, à la fin, faisait Angora parce que c'était la chanson de la fin, guitare pouet. Ouais. Ça pourrait peut-être ton Angora à toi. Oui, possible. Alors les parties basses aussi sont vraiment jolies, mais on pourrait faire on peut la faire aussi juste comme ça. Et une chanson d'adieu. Ouais. Est-ce que tu prépares ça sur scène, de dire où tu dis à ta compositrice, j'aimerais avoir une chanson d'adieu. J'y ai pas pensé encore. Okay. On n'y a pas pensé. Okay. Mais je pense qu'on va, lorsqu'on, entre guillemets, on débute sur beaucoup de choses dans ce projet, et avec le metteur en scène, on va aussi réfléchir à ça. Et s'il faut penser à finaliser quelque chose, une chanson peut terminer, puis dans cette chanson-là, on parle de la fin. Puis ça peut être n'importe quelle fin, la fin d'un spectacle, ou la fin d'une vie, ou la fin de... Mais le souci, c'est que comme j'adore être sur scène, j'adore jouer. J'ai vraiment envie que ça se termine. Non, mais ça, c'est des rappels. Ça, ce n'est aucun lien. Ça peut être la dernière en tant que présentation, représentation écrite. Après, tu peux faire des rappels. On peut. Parce que les gens aiment bien savoir que là, c'est terminé. Et là, la suite, c'est un cadeau que tu leur... Oui. Oh, mais ça, on leur dit. Alors, c'est un cadeau, toi. Voilà, on fait un cadeau, mais... c'est surtout eux qui font aussi un cadeau en venant. Mais... non, je n'y ai pas pensé, si tu veux, à dire tiens, voilà, une chanson de fin. C'est quelque chose que j'ai du mal avec les mots fins, peut-être. Ok. Et dans toute ton existence, c'est pas juste en musique, c'est en amour, c'est en... Je sais arrêter les choses. Ok. C'est souvent brutal, mais... C'est dur. Mais c'est toujours... Quand tu le décides, c'est fait, mais c'est le moment de décider. Par contre, une fois que j'ai pris la décision, c'est bon. OK, on s'est bâclé, voilà. on a coupé voilà, le truc. C'est terminé. On peut pas... débrancher, non. C'est ça. Ça marche plus, non, terminé. OK. Plier, déplier, replier en 25 fois. OK. Donc voilà, non, on est... On n'arrive pas à penser à des chansons de fin, on pense plus à des chansons, à toujours d'autres chansons, et à mélanger les ambiances, les univers... Et les guitares, parce que ça fait partie de ma vie. Et vous essayez à travers vos chansons de toucher au grand thème de la vie, l'amour, la mort. Ou si c'est plutôt greffé sur le quotidien, sur la... Ça dépend. Il y a toujours une forme d'amour, si tu veux. L'amour, une sensualité. On veut plaire, on fait spectacle pour prendre. Comment dire, une pudeur. Il y a une certaine forme de pudeur. Avec une forme de sensualité, il y a un mix de tout ça. Et, mais on n'a pas un thème particulier, si tu veux. Vous êtes ouvert à tout. Voilà. On a eu envie à un moment de... Bon, là, par contre, on manque de temps, parce qu'on est parti sur autre chose, mais on était dit, tiens, pourquoi pas délirer sur un tableau. OK. Et le tableau qui serait le lien, le fil rouge sur, par exemple, 6 titres. Hein. Et le... Sur une sorte de fil rouge sur le 7 titres. Et le tableau, voilà, et le fil d'Ariane. Et ça, d'avoir ce tableau qui peut, suivant la chanson, être vu d'une manière différente, intervenir, enfin bref. Ça peut devenir délirant, ce qui est intéressant. Bah oui, il faut que ce soit délirant. Il faut partir. Ouais, il faut partir. On fait de la scène pour partir et pour que les gens se quittent, nous. Voilà. Quittent aussi leurs embarras. Alors, il y a des chansons qui sont très simples. Très simples. Les thèmes sont... Sont peut-être plus classiques ou moins imagés. Mais c'est le ressenti du moment. Okay. Et des fois, tu fais un truc qui est... chiadé, qui est plus tordu, mais qui reste beau, et puis des fois tu fais juste un petit truc et qui est beau aussi. Tu l'as juste fait, on l'associe. Puis tu me dis que ça fait à peu près un an et quelques que tu travailles sur le projet. Est-ce qu'il y a des chansons qui ont mal vieilli que tu vas retirer parce qu'ils ont plus leur place? Au contraire, moi, tu les retravailles constamment, donc... Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que les mots sont figés ou si vous pouvez malgré tout modifier des trucs malgré que la chanson existe depuis un an et quelques? Alors, il y a... Oh mince. Elle prend le gorgé. Ouais. Okay. Avant de mourir en direct. Dernière rencontre. Okay. Et Les chansons peuvent, les textes peuvent évoluer, même s'ils sont quand même assez définis. En fait, ce qui peut évoluer, c'est ce qui nous a pas vraiment plu, mais qu'on a gardé pour finir la chanson. Okay. Parce que parfois, il faut au bout d'un moment de s'arrêter, en disant voilà, on s'arrête. Mmh. Et si un jour on trouve mieux, ben, on trouvera mieux. Okay. Et dans la chanson Face à Face, si tu habitais en face, à un moment, il y a la phrase appuyer contre toi. Et appuyer contre toi. Ben, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose de mieux. Et on a essayé plein de choses, mais à chaque fois, je trouve que ça sonnait pas. Ou aussi, ça... ouais, donc, on s'est dit, on la garde comme ça. Et puis, si un jour on trouve une meilleure idée, on la changera. Mais quelle autre idée est apparue? Toujours la même, les mêmes images, mais avec des mots qui n'étaient pas différents, mais qui sonnaient pas aussi bien. Ok. Donc, c'est ça, la même chose. Okay. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut. Il faut essayer de garder quand même la même image, sinon, on fait une chanson. Ouais. On en fait, autant faire une nouvelle chanson. Si on a d'autres idées, autant en faire d'autres, quoi. Oh oui, ok. Ouais. Et donc, il n'y a pas de chanson que tu as fait au début il y a un an que tu vas peut-être retirer parce qu'elle n'est plus actuelle? Non. Ce qui s'est passé sur les certaines chansons qui étaient un peu anciennes et qu'on a ajoutées au répertoire que j'ai composé avant. J'étais fatigué d'être celle que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des bordel, me prépare en tout cas où tu partirais d'avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas, qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je noue les mains pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps, dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille. Il y a des je focalisais plus sur le côté musique et moins chant. Et là, on reprend la chanson et tu t'aperçois que la tessiture elle est pas bonne, quoi. Donc tu reprends la tonalité, tu l'ajustes un peu plus à ton travail parce que ça manquait de précision, ça pouvait manquer de justesse ou en tout cas d'aisance vocale. Donc on la remet en conséquence de façon à ce que la chanson soit plus adaptée à l'écoute et non pas à la manière dont tu es capable de la jouer. Ouais. Et ça c'était important. Okay. Et il y en a eu deux, trois qui ont été remaniés justement pour les rendre moins musiciennes. Moi, mais c'est-à-dire. Bah, si tu veux, quand par exemple, tu as une tonalité, je sais pas, un sol ou un ré, ou à niveau de la guitare, c'est vachement facile à faire le riff de guitare qui va. Okay. Et puis dis, ouais, c'est super, c'est sous les doigts, je le fais en même temps. Ouais. Et, c'est bon, c'est pas gros, mais. Il y a les doigts qui bougent, il y a les doigts qui bougent. Voilà. Et, non, mais les gens sentent le vent. On est rendu là, là. Et donc tu te dis, bah, c'est, on l'a fait comme ça parce qu'en sol c'est vachement facile. Manque de peau, en sol le chant sonne pas. Okay. Donc au départ, on s'en est pas rendu compte parce que on a travaillé. J'ai du mal bosser par rapport à ça, mais aujourd'hui par contre ce qui prime c'est le chant. Okay. Et maintenant et après à moi de faire sonner le truc dans la bonne tonalité. Ok. Ah mais t'as la voix Jean-Louis Murat un peu, hein? Ah, bon. Non, mais parlez pas chanter. Est-ce que tu connais Jean-Louis Murat? Oui, il est vachement connu quand même. Oui, mais il est connu, mais imagine-toi donc qu'il vit même pas de sa musique. Très peu. Non, il est chez nous on appelle ça une cité sociale. Ah bon? Ouais. Il vend pas beaucoup de disques. Il vend pas beaucoup de disques? Il vend pas beaucoup de disques, il fait pas beaucoup de concerts, mais ça, les concerts, c'est un peu dû à son égo. Ouais. Moi j'adore jouer des concerts. Ce qu'on cherche là, c'est à faire plein de concerts. J'aimerais bien qu'on arrive à pouvoir partir au Québec, faire une mini tournée, si tu veux, faire par guitare, exemple. Ouais, aussi, guitare. On peut... Ouais, mais c'est bien de. Si tu veux, on a quand même. C'est cher là, quand tu veux rajouter des personnes. Là. Oui, mais. Bien sûr, mais on gagne en qualité, par contre. Ouais, oui. Et la musique qu'on a fait, on peut la faire guitare-voix, si tu veux, mais y a quand même pas mal de choristes de guitare, la basse, les voix. Ouais. Alors, il faut partir à 4. Ah, c'est très, très cher, partir à 4. Oh, mais on en laissera un dans une station-service. c'est la meilleure place pour les placer. Avant de t'étouffer et de mourir, Renaud, bah oui, hein, ouais, et de ne plus pouvoir te produire. Je sais pas ce que j'ai avalé, mais. Bah ça, c'est sans doute un pépin de citron. Non, à mon avis, c'est une petite poussière qui est arrivée avec. Avec le vent. Oui, le vent. Mais le vent, il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est peut-être. La croix rouge là à côté. Mais au moins, la croix rouge est là. Voilà. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fais-toi pas, tu ne trépasseras pas à cet instant précis. Donc, je te laisse ma guitare. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Alors, je la vendrai sur eBay. Garde-la. Ah, bon, oui, merde. Ben, je peux pas parce que je suis déjà au maximum de colis. Donc, sinon, je vais payer un extra. Tu la vends sur eBay alors. Ok, parfait. Ben, Renaud, merci de passer à mon émission. Ben, écoute, moi, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis de. Est-ce que tu veux nommer les gens qui travaillent avec toi? Oui, bien sûr, il y a Kera, donc parolière, Patrick à la basse, Nono à la guitare. Oula. Mais. Ouais, mais c'est à mon avis, c'est le Perrier qui fait tousser. Ah ouais? Et à la batterie, on a. Mon collègue Jean-Pierre qui est. Voilà. Qui est. Oh, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Non. Il va falloir faire du. On fait un montage. Et donc, ça va faire cette équipe de musiciens. On se connaît depuis une bonne vingtaine, 15 à 20 ans, si tu veux. On a fait tous les concerts possibles ensemble, dans différentes formules. Alors, le SMOS est là. Bon, tu, on réfléchit pas. Okay. On est déjà toujours content de se voir. Vous regardez un petit clin d'œil, puis un petit. Et on y arrive. Et des fois, on n'a même pas besoin de se regarder. On sait ce que. On sait la bêtise qu'il est en train de penser. c'est déjà parti. Voilà. Et on s'écoute beaucoup, donc c'est vraiment génial. Et comme on a l'habitude d'être ensemble, donc la moindre note qui arrive, qui nous fait sourire, qui nous fait ou qui nous amène à autre chose, et c'est un vrai, vrai plaisir. Je vais m'étouffer. Oh man! Et cette Perrier, c'est un peu. Non, j'ai dû avaler un petit. Mais là, c'est sans doute passé, je sais pas. Je sais pas. Cool. Donc voilà, ouais, moi je suis ravi, Reynald. ravi de cet intérêt. Écoute, c'est une vraie chance. La chanson française s'attire à la francophonie. Bien sûr, mais bon, comme tu disais, il y a beaucoup de chanteurs et oui. je suis ravi de faire partie de l'histoire de ton séjour parisien. Et c'est un vrai plaisir. On est parti sur plein d'envies, plein d'idées, beaucoup de gens. Et c'est tout nouveau, donc. C'est tout nouveau et tout l'avenir est tout beau. Ouais. Musicalement, on se connaît bien, on n'est pas inquiet, on est tout à fait capable de faire ce qu'on fait sur ce lieu sur scène. Il y a un vrai pro dedans, mais Nono, qui est professionnel, et Patrick, il suit. Okay. Alors, il dit, bon, allez, on part 3 mois. Jouer en que 3 mois. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben lui, s'il fait que ça, il rêve à ça. Hein. Et on est en ouais, et puis si tu veux, c'est vraiment le. Je crois qu'au bout d'un moment, c'est une vraie chance qu'on a de pouvoir faire nos chansons, ouais, déjà, parce qu'on a surtout beaucoup joué avec des reprises. Okay. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile parce que faire les covers, c'est cool. Hein. Ouais. C'est tout le monde connaît. Hein. Tout le monde connaît, donc quand c'est bien. Au niveau matériel, il faut être beaucoup plus et c'est percutant, il faut être accessible. Ouais, donc il faut. Donc, et là, les morceaux ont vraiment un très bon retour. I'm gonna be C'est moi qui fais. Hey, hey, hey. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Tranquille, tranquille. Attention. Nous venons d'apprendre une information. On peut dire que. Ouais, on se dépêche. Ouais, c'est ça, c'est une. Ça tombe bien, c'est une dépêche. C'est... Alors, on doit se dépêcher, puisque. Ben, c'est ça. Hey, oh, c'est long, ça, là. Hein? Qu'est-ce que ça va faire? C'est le F Papopaï. Oh, OK, attention. Oh, on va refaire, là. Ici le F Papopaï. Restez calme. Allô, madame, je suis by. I'm to the by, did you like to say? Allô, madame, I want the fry. Allô, madame, I don't want the free. Allô, madame, I want the four. Adieu, Lénine, je t'aimais bien. T'aimais, Lénine? Lénine, non, non, c'est pas Lénine, non, c'est l'autre. Lénine, Lénine, Lénine, Lénine, Anaïs, Lénine. Adieu, Anaïs, Lénine, je t'aimais bien. Anaïs Nin, je t'aimais bien, tu sais. J'étais bien, j'étais bien, j'étais, oh mon dieu, tu t'étais Anaïs Nin, je t'étais tout ce qui veut bien se faire têter. Grâce à une fuite policière, alors je répète d'une manière plus solennelle. Solennel, où l'homme Dieu d'El. Non, c'est une autre solennelle. C'est une autre forme, monsieur. Ne vous fâchez pas. Je suis pas fâché, j'ai rien compris. OK. C'est bien ça. Grâce à une fuite policière, Errance Rénaldienne vient d'apprendre à l'instant, là, pas pendant la chanson, là, à l'instant même. Aïe donc. J'ai le petit doigt fatigué, moi, là. T'as pas juste le petit doigt fatigué, t'as les neurones. Non, la matière brise. Et elle brise, ma matière. Non, elle est grise. Je tiens à dire à tous mes neurologues que ma matière grise se défrise. Saviez-vous qu'il y avait des couettes là-dedans? Aïe, aïe, quand ça pique! Oh, excusez-nous. Tu viens de déchirer la bobine de Noël. Grâce à une fuite policière, Errance Rénaldienne, ça c'est pas très sérieux, les gens ne croiront pas, puis surtout c'est pas le... Ici le FBI. C'est pas le FBI, c'est le FBI. Sois sérieux 30 secondes, là. Le peuple est là, à genoux devant toi. T'es charré un peu. À peine. À peine, à peine, mon Jean-Marie, à peine. À peine, à peine, Jean-Marie, à peine. C'est un message. Il n'y a pas de message. Ben oui, oui, j'en ai un. Excusez-moi, oui. Grâce. Mets de l'ego. Grâce. Mets de l'ego. On en met de l'ego à cette émission-là. Grâce à une fuite policière, Errance Rénaldienne vient d'apprendre le meurtre commandé. Et ça, commandé, c'est comme une télé commandée. Non, c'est comme une l'auto-télécommandée. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui dirige une action. Voyons donc, oui. Quelqu'un qui dirige une érection. Non, l'action. L'action. Action rénale, oui. Grâce à une fuite policière. OK. OK. OK. Errance. C'est ça, là. Errance, c'est quoi? C'est OK. C'est ça, là. C'est OK, c'est ça. Et c'est ça, on vient d'apprendre, non, c'est la grâce. La grâce de Dieu est une fuite. La police, l'errance, il n'y en a pas de police. On l'a pas appelé l'errance, la police. Comment ça? C'est, on a du budget à ce point-là, voyons donc. On devait fermer la semaine dernière. On a dit à nos commanditaires, là, c'est fini. On est dans le trou, dans le bas-fond. Il n'y a plus d'imaginaire. On est moins que des araignées. On est moins que des araignées. On est bas. On est très bas. On est dans le sous-sol de la compréhension intellectuelle. On cherche à s'enfuir. Mais où est la sortie? Moi, je veux dire quelque chose à soir, là. La sortie, c'est très, très, très, très simple. La sortie, c'est l'endroit par où t'es rentré. J'ai rentré dans bien des choses dans ma vie, moi, là. J'ai rentré dans religion. Là, j'ai essayé de sortir de là. J'ai sorti par mes gardes, là. Par mes gardes des Géraux, là. Ils m'ont dit, sors de là. On va te mettre dans la piscine, puis on va te bénir. Ils disent, hey, moi, bénissez-moi pas. Babel est là. Puis là, Babel m'a dit, il y a des méditations bambuelles. Puis tu vas voir, tu vas babuler. Puis plus tu babules, plus t'es reconnu. Puis il faut que tu me ressembles un peu. Cheveux longs, la couette. Puis le clownage. Il y a des clowns ici, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas juste Bozo, le clown. La foule vieux qui était amoureux. De grâce. Il y a une fuite policière. Errance canadienne vient d'apprendre le meurtre commandé de Marilyn et de JFK. Là, comment ça me donne de prison? Ça donne rien. Ça donne pas grand-chose, toi, là. Mais non, mais est-ce que je peux faire de la prison? Avec qui? Mais j'aime... Si c'est possible. Ça serait peut-être possible. Avec Marilyn Monroe? Ben, pas en prison. Ben, voyons donc, elle est où? Elle est morte. Elle est morte en prison? Elle n'a jamais été en prison. Ben, voyons donc, toi, comment ça tu dis la prison? Ben, ouais, ben la prison, ça n'a rien à voir avec elle. Hey, là, on dirait que je comprends trop que dans les cours, il y a des redondances. Non, s'il y a des... Il y a d'immenses progrès, M. Grenier, des immenses progrès. Vous allez voir, petit à petit, l'oiseau fait des économies et les crustacés pourront manger ce soir. Manger quoi? Oh ben là, ça mange des phytoplanctons, des planctons, des totons, des titotons, des titotons, des titotons, des tout le monde, ah, ça mange des totons. Mais monsieur, pas ces totons-là, madame, n'ayez pas peur. Des petits tontons, il y a des oncles, on dit « Ah, bonjour, tonton! » Ben, c'est ce tonton-là. Ben, voyons donc, toi, j'ai jamais vu... Toi, t'as pas vu grand-chose. Puis pendant, il faudrait récapituler toutes les émissions parce que il y a des phrases qui se répliquent là-dedans. On va la faire, on l'a déjà fait. Bing, bang, grand dedans, dans les poules prudents, ding, dang, biminé, dans de la bim. Oh mon dos, c'est très abîmé, ça là. S'il y a des individus qui se racolent à tout ça, ils reconnaîtront pas. Le but, c'est pas de reconnaître. C'est de sembler. Non, attention, on va recommencer. Ah, oh, non, on peut pas recommencer, monsieur, c'est l'FBI. Allô? Ici le F, Bobo Bye. Oui. Restez calme. On aimerait ça dire bye-bye à tous nos calmants. Jeannette Calment qui est morte à 93 ans. Son entier l'a lâché avant elle. Calmantec. Qui est une Logitech, là, qui est une fausse hypothèque salariale dans laquelle j'ai mouillé mes céréales. Puis je me dis, voyons donc, Rénal, qu'est-ce qui se passe avec toi à soir? Seul pays où tous les cœurs battent au même coup. Nous avons changé les champs, les faces et la maison voyageuse qui nous a laissé vivre. Nous avons craqué l'orange ensemble et dessiné malgré nous des tapis. Quel est ce vent qui m'amena chez Dieu? C'était le printemps dans la chambre bleue flottant sur New York, Londres, Québec. Et sur toi, douce Angèle, Los Angeles perdue, tes cheveux gonflés dans la nuit électrique, des génies brodant nos rencontres sur les guitares de l'énergie retrouvée, la cendre et la misère ne parlaient plus. la clé des fées enfouie dans nos poches, retassant sans cesse l'enfant content qui jamais ne nous avait rendu visite. La colère et la paix mariés enfin, nous avons reglissé dans le ventre de mère nature, oiseaux violés relâchés sur la route du sud, rock'n'rollant nos signes secrets, à cheval sur un char de feu, donné par les explorateurs du dedans. Nous voyais-tu débouler parmi les étoiles, crépitant d'amour nu et chaud, des milliers de marcheurs de l'infini s'unissant les mains au-delà des météores. Nous étions des millions à chanter tout haut, l'étincelle de l'ardeur gravée au coin des yeux. Sur la grande île passage, mon carrosse éblouissant, restillons les yeux mouillés, la révolution promise. Sur la grande île passage, mon carrosse éblouissant, restillons les yeux mouillés, la révolution promise. Mais la maison carrée qui nous fut destinée dort dans une fourrière surpeuplée. Les vieilles images qui l'habitent nous ont donné un paradis qui nous consume. L'héritage est falsifié. Nous sommes bloqués à la frontière. Ce faux passeport qu'il faut brûler renferme toutes les révoltes promises. Nous avons gigué sur un nuage d'or, enfants touchés par les dieux, pour empêcher que ne vienne la mort. Reviens, mon carrosse bleu, sans avenir et sans passé, j'ai peur d'avoir trop l'air. Si vous la croisez pas ça, mon carrosse éblouissant, le sillon, les yeux mouillés, la révolution promise. Si vous la croisez pas ça, mon carrosse éblouissant, le sillon, les yeux mouillés, la révolution promise. Thank you. convince themselves they were superheroes. Quite a ridiculous notion, granted. However, if we assume her sister rival rose to quell such monstrous claim, I most humbly submit her unpleasant end is satisfactorily explained. soirée en hommage à Shakespeare. Tu t'y distingues par des souris. Ils s'enfilent de salle en salle, griffant ceux qui veulent t'attirer loin de moi. Cette robe noire qui te colle à la peau, ton colibri de tous ces joyaux, les pas rythmés qui te conduisent vers moi, me troublent, me séduisent, me donnent envie de toi. Minette Shakespeare, dans ses délires. Minette Shakespeare, danse et délire. La douceur de ton corps, tu danses près de moi. Ce parfum enivrant pour captiver tes proies. J'essaye de t'embrasser, j'ai frôlé le pire. Toi contre mon désir, il faut que je respire la sensualité de tes yeux verts, l'appel de ton corps, ta robe à défaire. Je veux t'aimer plus que te séduire. Minette Shakespeare, tu files dans un sourire. Minette Shakespeare, dans ses délires. Minette Shakespeare, danse et délire. Shakespeare, dans ses délires. Minette Shakespeare, danse et délire. Hey Minette. Oh, oh, oh. Minette Shakespeare. Oh, oh, tu danses, tu délires. Oh, oh, oh, Minette Shakespeare. Oh, oh, oh, danse et délire. Oh, oh, oh, Minette Shakespeare. Oh, oh, oh, tu files dans un sourire, y'a que moi pour en rire. Oh, oh, oh, Minette Shakespeare. Oh, oh, oh, Minette Shakespeare. Ben, Renaud, nous allons les écouter durant notre rencontre et ben, c'est à la revoyure. Hein? Bah, avec super plaisir. Ouais. Sur Internet ou à Québec, à Québec via YouTube. Tout via, à fait, tout à fait. Bah, de toute manière, on te tiendra au courant de tout ce qu'on fait. Oui. Et que ça soit Daniel ici Marcoussi, ou là, ça. Pour, bah, écoute, alors ça, c'est quand même. Le monde est petit. Hein? Le monde est vachement petit parce que Icara est fabuleuse et elle bosse à fond à caisse avec. Internet à sélectionner les uns et les autres, et on a eu j'ai marqué ça parce que je suis nul en nom, mais tu dois connaître Élie Bissonnette. Oui. Il nous a répondu. Ok. En nous disant et c'est lui qui t'a écrit ou c'est toi qui. C'est nous qui avons écrit. Okay. Et on a envoyé là-bas. Si tu veux, et donc il nous dit que notre projet est intéressant, mais qu'il est booké. Revenez après les festivals. Ah ouais. Ah ouais. C'est sûr qu'il faut arriver à des moments précis, hein. On peut pas. Il faut que. La chance, je veux dire que je pense avoir de la chance. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais un élément. J'ai de la chance. Je pense avoir de la chance. Mais oui, parce que c'est nouveau cette chance-là. Mais ou non, elle est toujours comme ça. Ta ouais, voilà, j'ai plein de trucs pourris, mais les trucs pourris sont toujours en trucs bien. Okay. Et pour ça, le oui, peut-être. Okay. Ouais, et, c'est ça. Et, le mauvais revenait en beauté. Voilà, et la chance, c'est bien, elle est là, elle se pointe. Le tout, c'est quand elle arrive, d'être prêt. C'est vrai. Il faut juste avoir fait disponible, le boulot, disponible et avoir fait le boulot, parce que sinon ça sert à rien. Mmh. Et donc tous ces gens qu'on contacte, ils sont souvent très occupés et il faut juste au moment où on les sollicite, s'ils sont dispo, on y va. Hein. Et voilà. On y va. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme dare to dare, dare to care. Non. Louis Côté. Louis Côté. C'est Québec ou Montréal? Je crois que c'est Montréal. Je sais pas. François Dubé. Non, c'est les productions du bémol. Ok, du bémol, quel concept. Et c'est gagnant ça. À Montréal, elle a eu un contact avec Guillaume Lombard. Oui. Et, lui, il organise des spectacles un peu partout. Ouais, donc voilà. Et puis Ariane Castonguet. Ok. Qui c'est des gens qui travaillent pour des maisons. Pour des maisons de disques, des labels, et on sollicite entre autres ces quelques noms, si tu veux, qu'on écouté notre musique. Il y avait même quelqu'un de Radio-Canada qui avait écouté les titres. Monique Giroux. Je suis très mauvais en nom, mais et c'était sympa, on est vachement contents. Ah oui, c'est ça la musique. Et ce qui fait plaisir, si tu veux, c'est l'ouverture d'esprit et de vie, la simplicité de vie. Tout en étant vachement bosseur, elle sort jamais dedans. Et on le retrouve chez mon cousin qui est marié avec une Québécoise aussi. Donc c'est plein de signes du destin. Ah, il est chanceux, lui. Ah, bah oui, mais elle vit en France. Okay. Et d'ailleurs, elle nous racontait quand elle faisait du patin à glace, du CDOP, du patin. Donc elle mettait des patins en bas de chez elle et puis elle partait à l'école. Et donc, mais il y a une simplicité peut-être anglo-saxonne, mais si tu veux, par rapport à l'efficacité, la manière d'agir, mais avec une ouverture artistique qui est différente et qui est fabuleuse. Quoi. Nous, on se régale. Ben, merci. Et les guitares canadiennes sont fabuleuses. Les qui? Les guitares canadiennes sont fabuleuses. Mais les guitares québécoises sont encore meilleures. Ouais. Elles n'ont pas l'accent. Elles n'ont pas l'accent. Non, c'est ça. Alors, Renaud, on se revoit sur Internet, on se revoit sur scène et le public va entendre ta musique. Eh bien, écoute, avec plaisir. Je te remercie beaucoup. Ben, tourlou. À la voyeur. À la voyeur. Super. Tu ne verras pas le jour demain, me jette la nuit au coin de l'oreille. Je ferme à l'aube, tu te souviens. Laisse-moi m'étendre sur ton sommeil. La nuit est froide, me frissonne. Elle menace mes insomnies. Blanche de colère, elle déraisonne. Et puis s'enfile tout mon whisky. Du self-control, me dit le chat, qui est bilingue, passé minuit. Si tu la tues, qu'est-ce que tu feras? Paranoté me souffle très bas. La nuit est parano, crois-moi. Si tu la tues, tu t'en voudras. Emballe ton chat qui fait le malin, soutient la nuit qui se croit chez elle. Je suis pas la première minette du coin. Elle me sourit, je la surveille. Me dit tu sais, je te devine. Puis viens me griffer sous les draps. Une nuit d'amour où j'assassine. Je serre la nuit entre mes doigts. Du self-control, me dit le chat, qui est bilingue, passé minuit. Si tu la tues, qu'est-ce que tu feras? Paranoté me souffle très bas. La nuit est parano, crois-moi. Si tu la tues, tu t'en voudras. De jour en jour, je supporte toutes les frayeurs de cette nuit-là. J'ai un vampire devant ma porte. Je me laisse saigner, c'est n'importe quoi. L'heure de sable, de poudre d'or. La nuit voyage au bout de mon lit. Sous les dredons, sa main m'ignore. Elle se fait seule, je suis maudit. Un vieux hibou, branché lugubre. porte à la nuit un bon conseil. Lève-toi d'ici, la lune est mue. Vis loin d'ici, ça sent le soleil. Sors des coulisses, de la rosée coule contre moi. J'ai fait le con avec délice, profondément la nuit aime ça. Métamorphose-moi en matin, fais-moi un jour pas comme un autre. Laisse-moi rester jusqu'à demain, câlinée douce, une nuit sans faute. Self contrôle, me dit le chat, qui est bilingue, passer minuit. Si elle s'installe, qu'est-ce que tu crois? Ma rameutée me souffle très bas, la nuit est parano, crois-moi. Si elle s'installe, tu en crèveras. Self contrôle, me dit le chat, qui est bilingue, passer minuit. Si tu la tues, qu'est-ce que tu feras? Ma rameutée me souffle très bas, la nuit est parano, crois-moi, si tu la tues, tu t'en voudras. Paranoté mi Sofia, la note est paranoïca. Parano et la note, j'entends mon chat paranoté. Vous écoutez Errance Reynaldienne avec Reynald Gagnier à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec. Vous pouvez écrire à votre animateur Reynald Gagnier via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagnier ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.